Bonsoir. Tu vas bien, dis-moi, on va revenir tout à l'heure, bien sûr, à cette belle opération, hein, tout en détail. Pour l'instant, on va parler, bien sûr, de sport, parce que tu vas voir, il y a encore tout le film de l'émission. Mais tu restes avec nous? Oui, il n'y a pas de souci, je suis. Le football, tu suis un peu? Je suis un peu, oui. D'accord. Parfait. On va prendre la direction de Piolenc avec... au revoir, Hervé, à bientôt. On va prendre la direction de Piolenc chez notre ami Conti Franck. Conti pour le truck camion. Il y avait ce week-end, bien sûr, un grand rendez-vous au Paul Ricard. Et c'était sa deuxième course. Franck Conti, on va le laisser à mon ami Jean-Yves, car il ne le connaît pas. Non, si, je le connais. Salut Franck. Il va arriver, puisqu'il est au courant. Tout à l'heure, on a eu sa charmante femme qui nous a donné un petit peu le contenu de ce qui s'est passé du côté du Ricard. Allez, Franck, le team Palfinger, c'est bien sûr du truck camion. C'était le deuxième Grand Prix qui s'est déroulé ce week-end du côté du circuit du Paul Ricard, qui deviendra bien sûr l'attraction de la Formule 1 dans quelques temps. Mais pour l'instant, eh bien sûr, c'était le Grand Prix camion. Et Franck, c'était son deuxième rendez-vous. Bonsoir, Franck. Bonsoir, Fred. Alors, salut, Franck, c'est Jean-Yves. Ce week-end, ouais, on va te laisser avec Jean-Yves, parce qu'il va te taquiner dans 5 minutes. Non. Comment s'est déroulé ce week-end? On a appris la tristesse de cette dernière course qui m'a mis un petit peu en rage, parce que tiens, le premier rendez-vous, c'était à Nougaro, ou où c'était ton premier rendez-vous? Clermont-Ferrand, au circuit de Charade. Oui, Charade, excuse-moi. Clermont-Ferrand, comment ça s'est passé à Clermont? À Clermont-Ferrand, ça s'est très bien passé. Écoute, cette année, l'année dernière déjà, on a eu un gros problème, on a eu un gros accident sur le circuit du Mans. Donc il a fallu entièrement reconstruire le camion cet hiver. Du coup, nous n'avons pas pu faire de roulage avant la première course. Et à Charade, ça a été un petit peu la remise en jambe qui s'est très très bien passée dans l'ensemble. On a mis 2-3 petits problèmes de véhicules qu'on vient de remonter entièrement, quoi. Ouais, le team TCS, qui reste bien sûr une identité, puisque tu as quand même un service de communication qui me communique un petit peu tout. Je te laisse un petit peu avec Jean-Yves pour nous parler maintenant de ce grand rendez-vous, parce qu'il y avait énormément de monde à ce circuit Paul Ricard. C'était quand même la fête du camion, Franck. Hein. Ouais, salut Franck. Ah oui, ouais. Énorme monde cette année. Ouais, c'était, y avait du monde, et puis tu jouais un petit peu à domicile ici au circuit Paul Ricard. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé pendant ton week-end. Ça avait plutôt pas mal démarré, et puis dimanche, patatras. Ben écoute, ouais, ça avait bien démarré, et puis déjà on avait une météo qui était très clémente par rapport à la dernière course qu'on a fait à Charade, où on a été 3 jours sous la pluie. Clermont-Ferrand, c'est bien pour le rugby, mais moins pour la météo. Et du coup, le week-end avait très très bien démarré. Les séances d'essai libre le vendredi se sont très bien passées. On avait quasiment gagné 2 secondes par rapport à l'année dernière. Donc on était bien contents. Le samedi, c'est bien déroulé aussi. Comme tu l'as signalé, le dimanche, bon, on a eu un petit problème. On a été exclu de la course sur la quatrième course pour un comportement dangereux. Suite au départ, il y a un véhicule qui n'a pas démarré devant moi, qui a très très mal démarré devant moi. Donc j'ai débordé sur la ligne blanche devant les stands. Et cela n'a pas plu au directeur sportif qui m'a exclu de l'épreuve pour la quatrième manche. Franck, comment ça se fait que tu ne prends pas d'entrée un drapeau rouge et qu'on te laisse rouler une partie de la manche avant de te signifier que tu es disqualifié? Ben, parce qu'apparemment, le collège sportif se comporte de 3 personnes. Et y a une personne qui a trouvé ça très très dangereux, les 2 autres beaucoup moins. Ensuite, c'est le directeur de l'épreuve qui a jugé que lui aussi, oui, c'est vrai, j'avais pris un risque. Donc voilà, une fois que la course est finie, c'est-à-dire 1 heure après, on m'annonce que je suis exclu de la quatrième manche. Bon, j'ai quand même marqué mes points des 3 premières courses que j'ai fait avant, qui se sont relativement bien passés. Je suis un petit peu déçu. On rétrograde d'une place au championnat. On était 6e, on se retrouve 7e sur une bêtise, quoi. C'est un petit peu dommage. Et la suite de la saison maintenant, tu la vois comment, Franck? Ben, la suite de la saison, là maintenant, dans 3 semaines, on va au circuit de Nogaro, dans le Gers. C'est un circuit que j'aime bien. que j'ai bien tracé, que j'ai bien sympa. Ah, en tant que donc, oui, en tant que pure amitié, Thierry va te concentrer, Nogaro, ça va, il te vient pas trop t'embêter, ton coq sportif à tes côtés, là, tes supporters, là, parce que normalement, à Nogaro, ça se passe, il y en a qui ont un peu mal à la tête quand ils partent là-bas, je sais pas ce qui se passe. Hein. Franck, c'est dans tous les coins que c'est dangereux pour lui, et surtout dans le Gers, avec tout ce qu'il y a de bon à manger et à boire, Francky, c'est ça? Ah, c'est ça. Bon, moi, sur les week-ends comme ça, je regarde un petit peu les autres. Mais c'est vrai qu'ils s'amusent bien et bien souvent, ils sont très fatigués le dimanche soir, mais c'est pas tellement de la mécanique et du coup de main qui m'ont fait écouter. Des apéros tardifs le soir. Ouais, du coup, les objectifs pour cette saison, c'est quoi, Franck? Ben, vu le plateau qu'on a cette année en championnat de France, qui est quand même très très étoffé, parce qu'il faut savoir qu'en course de camion, bon, ben, y a des championnats, championnat de France, championnat d'Espagne, championnat d'Angleterre, et un championnat d'Europe qui regroupe l'élite de tous ces pays-là. Le championnat d'Europe va très très mal, tous les constructeurs se sont retirés, voilà, quoi. C'est devenu un petit peu la cour des grands, et des tellement grands que même les constructeurs ne veulent plus s'y mouiller. Donc ce qui se passe, c'est que ben, le champion d'Europe se dépeuple et beaucoup de concurrents du champion d'Europe s'inscrivent dans les championnats parallèles, c'est-à-dire championnat de France, championnat d'Angleterre. Ce qui fait que nous, en championnat de France, on est passé de 15 concurrents à 25. Et on se retrouve avec 10 gros camions qui étaient en championnat d'Europe jusqu'à maintenant, qui se retrouvent en championnat de France maintenant. Donc le niveau est très très haut. Le niveau est égal quasiment au championnat d'Europe, puisque les gens qui sont chez nous en championnat de France, quand ils vont faire une manche en championnat d'Europe, même cette année, hein, ils arrivent à faire les podiums, pour dire que le niveau est très élevé en championnat de France. Nous, ce qu'on espère pour la saison 2017, ça serait une sixième place. Une sixième place au championnat, on serait vraiment très content. On montrait 4 concurrents du championnat d'Europe derrière nous, et ça nous irait très vite. Parfait, combien de rendez-vous encore? Combien le prochain, bon, c'est Nogaro, mine de le dire. Et après, comment le la saison prochain, c'est Nogaro. Après, on a une petite pause jusqu'au mois de fin septembre. Fin septembre, on est aux 24 heures du Mans Camion. Et ensuite, la grande finale qui se déroule à Albi, sur le circuit d'Albi. Donc la première épreuve s'est faite l'année dernière, un petit peu un essai, quoi, pour voir ce que ça donnait. Le circuit a vraiment envie du camion. C'est vraiment des amoureux du camion et c'est une petite structure mais qui se donne vraiment des gros moyens. Et la finale va se dérouler là-bas cette année et j'ai vraiment hâte, parce que c'est pareil, c'est un circuit. J'ai pu tourner l'année dernière puisqu'on a vu le carton au Mans, donc je suis là-bas uniquement un spectateur, mais le tracé me plaît beaucoup et j'espère arriver sur le tracé de Nogaro et sur les trois courses qui restent. C'est vraiment des circuits que j'affectionne particulièrement et je compte jouer une carte là-dessus. Parfait, merci. J'arrive peut-être, non? Non, juste remercier Franck et lui souhaiter de bonnes courses et de bons résultats pour la suite de la saison. Franck, de même. Je vous remercie beaucoup. Et le bisou à toute bonne la soirée. Famille. Bonne salut, soirée. Salut Francky, salut. Merci. Voilà, on va continuer, bien sûr, le programme, bien sûr, qui était... destiné au motocross, il me semble, au résultat du motoball, parce qu'il y avait deux matchs. Jean-Yves, on va y revenir avec notre ami Thierry Lafond. Top chrono, motoball. Ouais, tu peux voir un petit peu les résultats, Jean-Yves. Je les ai lus ce matin. Il me semble que ça jouait en élite 2. Bolen a atomisé Camaré, me semble-t-il. C'est Camaré 2, hein, par contre. Bolen 6, Camaré 1. Et puis un énorme carton de Robion, l'équipe de notre ami Thierry Lafond qui a pulvérisé Vitry sur un score de 9 à 1, après que le match ait été un petit peu retardé pour cause de grosses pluies et d'inondations sur le terrain. Mais voilà, avec ce résultat, le groupe de Thierry Lafond poursuit son superbe parcours en élite 2, Fred, puisqu'il se retrouve aujourd'hui second de l'élite 2. Alors on en a déjà parlé plein de fois, on connaît les qualités de meneur et d'organisateur et de passionné de Thierry Lafond, mais difficile de ne pas voir une relation de cause à effet entre l'arrivée de Thierry à Robion et les excellents résultats de cette saison, hein, puisque c'est un club qui était en train de péricliter à la fin de la saison dernière. Ouais, et je crois que, encore une fois, l'effet Thierry Lafond fait ceci à ce club il y apporte beaucoup de choses, tandis que l'Espagnol que nous avons derrière les manettes, puisque ce soir c'est la dernière, on se lâche complètement. Grippe sous. La pub. Vas-y.